Chapitre 11e, l'amour soumis à l'honneur. Or, c'était précisément ce rire que, dans son cabinet, préparait patiemment au comte Armand de Saint-Rion, maître Thirion, vraiment acharné contre lui. L'avocat eut avec Madeleine, au sujet de l'incident qu'il avait soulevé en parlant de mariage, un long entretien. Il se montra très ferme, très sévère, et il blâma énergiquement la conduite de la jeune femme, non seulement dans la scène du jardin, mais dans la suite. « Enfin, disait-il, se fâchant presque, aimez-vous ou n'aimez-vous pas Jacques Delmay? Je ne l'aime pas, je l'adore, vous le savez. Alors pourquoi ne voulez-vous pas être sa femme? Jacques est venu vous voir, je le sais, il vous a donc fait connaître les raisons qui me guident. Paulette, le comte, oui. Mais, ma chère amie, ce sont là des scrupules qui n'ont pas raison d'être, des obstacles qui n'offrent qu'une base logique. Jacques sait combien je l'aime, il aura comme moi le courage, la volonté. » La force d'attendre. Attendre quoi? Que Dieu ait pitié de nous, qu'il me rende Paulette et me délivre du comte. Oui, c'est entendu. C'est là notre plus grand désir et nous travaillons à le réaliser. Ramenez l'enfant et envoyez au diable le particulier Saint-Rion. Hâtez-vous. Ça ne dépend ni de nous, ni de notre volonté, ni de nos moyens. Cela tient au hasard uniquement. Et vous vous soumettez au hasard, et vous courbez la tête, et vous perdez inutilement votre temps. Le plus beau, le meilleur. Franchement, ce n'est pas raisonnable, je ne vous comprends pas. » Maître Thirion essaya encore de persuader Madeleine par la douceur, par les sentiments, par la compassion pour elle-même. « Voyons, cher ami, vous avez souffert comme peu de femmes ont souffert. Un bonheur s'offre aujourd'hui à vous qui rachèterez tout ce passé malheureux. Et ce bonheur, vous le repoussez pour une raison insaisissable, qui ne supporte pas la discussion, et vous rendez très malheureux. Le plus brave cœur qui soit au monde. » Madeleine s'écria vivement tout à coup. « Et moi, croyez-vous que je ne souffre pas autant, sinon plus que Jacques? Croyez-vous que je ne sois pas extrêmement malheureuse? Croyez-vous que je ne sache pas de quel bonheur je me prive ?» Alors, douloureusement, elle dit à l'avocat. « Ah, vous non plus, mon ami, vous non plus. Vous n'avez pas compris ma conduite, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous n'avez pas deviné qu'en refusant de devenir sa femme, j'ai donné à Jacques la plus grande preuve d'amour qu'une femme puisse donner à celui qu'elle aime. » Maître Thirion, pour le coup, demeura interloqué devant ce paradoxe. Il pria Madeleine de s'expliquer. Madeleine reprit. « Si grande que soit la générosité de Jacques, bien qu'il veuille oublier le passé, ne voir en moi que la femme qui a commencé d'être le jour où il l'a sauvée des flammes, Jacques, vous dis-je, ne peut faire ce miracle que le passé n'existe pas. Or ce passé est vivant encore. Ce passé, c'est Paulette. Ce passé, c'est le comte de Saint-Rion. Jacques ne tient aucun compte de ce passé. Pardon, cela ne se peut. Malgré lui, malgré tout, comme moi, il doit s'y soumettre. Écoutez-moi, mon cher ami, écoutez-moi. » Madeleine, très clairement, exposa ses idées à l'avocat. « Admettons que je cède enfin aux sollicitations de Jacques, aux vôtres. Je deviens la femme de Jacques. Ce serait parfait. Bien, voici qu'un jour on découvre Paulette. Quelle Paulette me ramènera-t-on? Voilà le problème angoissant. Comment quelle Paulette? Savez-vous entre quelles mains ma malheureuse enfant est tombée? Savez-vous ce qu'on a fait de ma fille? Ce qu'elle est devenue? Si les gens qui l'ont volée sont, quoique le doute soit permis, de braves gens au fond, ils rendront une Paulette pauvre certainement, misérable, n'ayant reçu ni l'éducation ni l'instruction qu'elle devrait avoir, mais enfin une Paulette que l'on pourra relever, chérir, aimer, qui facilement deviendra la Paulette qu'elle aurait été sans cette terrible séparation. Ce sera votre tâche, Madeleine, et vous réussirez. Oh, cette Paulette-là, certes, en toute confiance, je dirai à Jacques, voilà notre enfant, aimons-la, faisons-lui oublier son temps de misère, faisons-la vraiment notre fille. Et vous pouvez être certaine que Jacques lui donnera son affection paternelle. Je le sais, mais si par malheur, nous ne retrouvons qu'une Paulette égarée, dévoyée, jetée dans le vice, une Paulette qui soit à peine reconnaissable, croyez-vous que j'ai le droit d'infliger la honte d'une enfant pareille au capitaine Delmay? » L'avocat courba la tête. Il commençait à comprendre les raisonnements de Madeleine, à percevoir la délicatesse de ses sentiments, la cause de l'obstination contre laquelle il s'insurgeait si fortement. La jeune femme reprit. « Admettons que je sois la femme de Jacques. Il reste le comte de Saint-Rion, le père de ma fille. » « Oh, celui-là !» s'écria l'avocat. « Celui-là est plus dangereux que vous ne le pensez. Celui-là est l'obstacle le plus fort, celui que nous ne pouvons renverser. Or le cœur de Jacques, j'en suis sûr, renferme assez de tendresse, assez de compassion pour accueillir quand même, comme moi, Paulette, fût-elle tombée dans la pire, la plus odieuse des déchéances. Mais rien ne peut s'élever contre le droit de paternité de cet homme. Il est un fait qu'on ne peut détruire. J'étais la femme, la maîtresse, dit-on, selon la loi française, du comte de Saint-Rion. Madeleine, Madeleine, taisez-vous, ne dites pas cela, s'exclama maître Thirion. Cela est, puisque mon mariage en Angleterre n'est pas valable en France. Vous en frémissez, vous aussi. Que fera mon mari en présence du père de mon enfant? Que fera le capitaine d'Albet en présence de mon amant? Je vais vous dire, non, vous connaissez l'homme. Vous savez ce que vaut le misérable qui fut autrefois le comte de Saint-Rion. Vous vous doutez qu'il est capable de commettre toutes sortes d'infamies pour se venger de celui qui lui aura pris sa femme. Et la fortune sur laquelle il compte. Vous devinez, n'est-ce pas, les scènes de douleur, le scandale, la honte, le malheur. Or, c'est ce que je vais éviter. Nous vous y aiderons. Vous ne pourrez rien. Je ne veux pas que cela arrive. Je ne veux pas que l'infamie vienne souiller notre amour si franc, si sincère, si loyal, si pur. Je ne veux pas que la moindre éclaboussure de honte puisse ternir la gloire et l'honneur de ce soldat, de cet honnête homme, de ce noble cœur. Mon devoir est d'empêcher cela. Et voilà pourquoi Jacques dut-il ne plus m'aimer, me maudire, voilà pourquoi, dussé-je moi aussi en mourir de chagrin, je marcherai quand même à ce sacrifice. Vivement, maître Thirion va prendre la main de Madeleine. Chère âme, noble et vaillante femme, pardon. Pardon de quoi? Pardon de vous avoir tout à l'heure parlé durement, de vous avoir maltraité presque, pardon. C'est à genoux qu'il faut vous parler, sainte, ange, martyr, à genoux. Il embrassa pieusement les mains de la jeune femme et se relevant avec joie, avec ardeur, il lui dit « Eh bien, puisqu'il en est ainsi, puisque c'est pour cela, Madeleine, prenez courage. Ayez confiance. Rien, entendez-vous, rien ne s'oppose plus à votre mariage avec Jacques. » Madeleine tressaillit. « Que dites-vous, mon ami? Que dites-vous? Je dis, je proclame que sous peu vous serez la femme de Jacques d'Almay. » Alors il répéta à Madeleine ce qu'il avait déclaré à Jacques. Il lui révéla les moyens qu'il emploierait contre le comte de Saint-Rion et il fit passer dans l'âme de la jeune femme sa confiance, son enthousiasme, sa joie. « Maintenant, dit-il, vous allez rentrer au Ravenel et demain, vous viendrez avec Jacques me retrouver chez mon cousin Duranton. Nous prendrons l'avis du président et nous agirons avec son approbation. » Le lendemain, Jacques et Madeleine se trouvaient chez M. Duranton. Maître Thirion était venu à Mantes dans la matinée. Il avait déjà eu avec son cousin une longue conférence. « Ma chère enfant, dit le président, mon cousin m'a fait part de vos généreux sentiments. Il vous honore grandement. Ils achèvent de vous dépeindre tel que nous vous estimions. Vous êtes la femme la plus idéale, la plus exquise qui soit. Mais je partage absolument l'avis de votre conseil, maître Thirion. Cependant, vos scrupules, quoique légitimes, sont des sentiments de femme. Ils sont suscités plus par le cœur que par la raison. Or, nous sommes là, nous magistrats, non pour écouter la chanson du cœur, hélas décevante parfois, mais pour faire entendre la voix positive de la raison, établir le droit, et ayant fait la part des sentiments, en appeler à la justice. Mon jeune cousin vous l'a dit, rien ne vous empêche de devenir la femme de Jacques d'Almay que vous aimez et qui vous aime. Je dis plutôt moi, aujourd'hui, il faut que vous épousiez le capitaine. Pourquoi ? Il est anormal, illogique, que deux êtres comme vous, beaux jeunes, s'adorant, demeurent plus longtemps sous le même toit, se voient à toute heure, soient constamment ensemble, se disent sans cesse qu'ils s'aiment, et ne consacrent pas enfin leur amour. Mais notre loyauté, il ne faut pas que cela soit. C'est se rendre malheureux, inutilement, c'est jouer avec le danger, s'amuser avec le feu. Assez de blessures comme cela, assez de tourments, de larmes. Je vous parle d'un homme qui connaît la nature humaine. Car vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ni vous, ni Jacques, au-dessus des lois humaines et des défaillances inhérentes à l'humanité. Votre amour sincère et loyal est encore magnifique et pur, mais il arrive maintenant à un tel degré d'intensité que la catastrophe est à craindre. Le mariage seul peut remédier à cela, parce que le mariage est la seule solution normale qui soit votre amour. Madeleine écoutait, baissant les yeux, ravie et tremblante. Sans le mariage, qu'arrivera-t-il ? Reprit le président, ou Jacques devra s'éloigner, ou c'est vous qui serez obligé de partir. Mais vous ne pourrez plus longtemps vivre ainsi côte à côte. C'est anormal, c'est dangereux, c'est impossible. Un beau jour, malgré vous, inconscient, après une envolée plus haute, vous serez entraîné par une circonstance imprévue, un hasard fatal. Vous serez tout surpris ensuite de ne pouvoir vous regarder sans rancœur l'un contre l'autre. Vous aurez gâché votre amour si beau, si noble, si sain encore. Vous serez devenu le couple banal d'amant et de maîtresse. Vous serez obligé de mentir, de vous cacher, de faire mal, en somme. Or, vous valez tous les deux mieux que cela. Et vous devez le respect à vous-même et à cette maison honnête qui vous abrite. Donc, vous allez vous marier. Le capitaine et Madeleine écoutaient avec angoisse le président qui parlait là, dans son salon, gravement, comme s'il eût prononcé un arrêt en pleine audience. Il reprit, toujours solennel, « Je connais les deux objections que vous, Madeleine, opposez à cette union. Votre conseil vous a, ainsi qu'à Jacques, fait part de son plan de campagne. Je lui ai donné, au point de vue juridique, mon absolu assentiment. Jacques, en quelque état que revienne Paulette, chérira la fille de Madeleine, l'aimera parce qu'elle est l'enfant de celle qu'il adore. Quant au comte de Saint-Rion, je gage qu'il se gardera bien de bouger. Donc vous allez, mes enfants, annoncer vos fiançailles, et nous nous ferons, Madame Duranton et moi, un grand plaisir d'assister à la cérémonie. » Le président tendit ses mains aux jeunes gens, et il sembla qu'entre eux il était le lien de la loi qui unissait enfin ces deux âmes.